entre les jambes de ma mère. Le passage est vachement étroit, on me calote le derrière. Mon père tombe dans les pommes, brrr, ça caille, il fait froid. Bienvenue en enfer, petit homme. Un beau matin, j'ai les boules creux devant la page blanche. Je connais pas la queue d'un théorème et je m'en balance. Bon pour la voie de garage, les magies comprennent rien. C'est long quand ça s'écroule, je suis nul, ça fout la rage. Un beau matin, je m'écroule, elle m'a largué mon bel amour. Salut, toc toc, je vais voir ailleurs, de laisser passer son tour. Malgré la bagnole, la bagouze, y'a du mystère dans son cœur. Péter un câble ou rester cool, j'ouvre grand ma boîte à l'eau. Merde, cette phrase déborde alors.